ça va un peu vite. Vite. Ah là c'est plus... 1, 2, 3, 4... Flange, c'est un flange. Eat me on the field of Ça, c'est évident. Là, il a carrément. Oula, celui-là. Ah, bah, j'ai plus de son du tout. Ah, ça a bugué. Ah, ouais, ça l'a éteint. To break free.